Section 98 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e, section 98, la charge, tableau de bataille par Henri Houssaye, chapitre 1. La veille, l'armée a opéré sa concentration. Les positions ennemies ont été reconnues par la cavalerie. Les généraux, le plan d'attaque arrêté, ont fait tenir aux chefs de corps des ordres pour les emplacements à occuper. Pendant la nuit, plusieurs brigades bivouaquent, couvertes par les grands gardes, à petite portée de canon de l'ennemi. Les autres troupes cantonnent à 2 ou 3 kilomètres en arrière, selon la proximité des lieux habités. Aux avant-postes, quelques coups de feu sont tirés au jugé par les sentinelles sur les patrouilles rampantes. À la pointe du jour, les troupes de première ligne se portent en avant. Les réserves se mettent également en marche, mais elles s'arrêtent bientôt et s'établissent hors de portée des balles et de façon à se dérober à la vue de l'artillerie. Un régiment fait halte et forme les faisceaux sur le plan reculé d'un plateau. Une brigade entière, dont les deux régiments se ploient en colonne double, occupe le fond d'un vallon. Les batteries prennent position, les unes sur les hauteurs, en arrière des crêtes, les autres, un peu en contrebas, défilées par des plis de terrain. On n'entend pas une sonnerie, pas un cri, seulement le roulement des caissons et le pas cadencé des colonnes d'infanterie. Le jour grandit. Le soleil, qui commence à monter dans le ciel, répand sa lumière, encore tamisée par le brouillard, sur la plaine, les collines et les bois. Des détonations isolées éclatent sur plusieurs points. Salut fait aux éclaireurs par les sentinelles des petits postes ennemis. Une de nos batteries ouvre le feu, en envoyant d'abord 2 ou 3 obus pour régler le tir. Les coups sont courts ou portent à gauche. On élève la hausse, on rectifie le pointage. Troisième pièce, feu. Cette fois, le projectile a atteint le but. À 2800 mètres, fixez la hausse. 10 coups se succèdent assez rapidement. Soudain, un nuage blanc jaillit du sommet d'une colline. On entend l'obus venir en bruissant. Il tombe et éclate à 50 mètres devant les pièces. C'est l'artillerie de la défense qui contrebat l'artillerie de l'attaque. Des deux côtés, de nouvelles batteries entrent en action. Toutes les hauteurs se couronnent de fumée. Le duel d'artillerie s'engage, plus bruyant encore que meurtrier. Dans la plaine, l'infanterie dessine son mouvement. Sortant des bois, descendant les pentes, débouchant des défilés, les troupes s'avancent lentement, précédées des 3 échelons d'avant-garde. Les têtes de colonne sont maintenant à 1200 mètres de la position et en terrain découvert. L'ennemi tiraille sur les avant-gardes et dirige sur le gros des troupes des feux de salve convergents. L'ordre serré est désormais trop dangereux à conserver. On prend la formation de combat. Les bataillons se fractionnent et déploient en chaîne de tirailleurs le quart, puis la moitié de leur effectif. Les autres compagnies restent en soutien hors de la zone dangereuse, massées ou déployées, s'agenouillant ou se couchant, s'abritant autant qu'elles le peuvent dans les plis de terrain, et conforment d'ailleurs leur marche à celle des chaînes. Les chaînes commencent à riposter à l'ennemi, d'abord par les feux à volonté des meilleurs tireurs, peu après par le feu rapide de toute la ligne des tirailleurs. Des positions latérales, les soutiens exécutent des feux de section, à longue portée, sur les masses ennemies dès qu'elles apparaissent. Par instant, en effet, le champ de bataille semble désert. Les flocons de fumée qui émergent des haies et des remblais et qui jaillissent des bouquets d'arbres, quelquefois un rayon lumineux, réverbéré à travers le feuillage par la pointe d'un casque, décèlent seuls la présence de combattants. Les chaînes gagnent du terrain. Par bond de 50 mètres, les tirailleurs s'élancent en avant. Ils font halte, s'agenouillent, brûlent quelques cartouches et reprennent leur course. L'ennemi oppose le feu au feu. Il a porté presque toutes ses réserves sur la ligne afin de donner à sa fusillade la plus grande densité. Son artillerie s'arrête de contrebattre les batteries opposées et dirige ses coups contre l'infanterie. C'est une grêle de plomb et de fer. Des blessés et des cadavres jalonnent le champ de bataille. Les renforts, les soutiens, les réserves sont jetés sur les chaînes décimées. Des compagnies, des bataillons, des régiments entiers viennent s'y fondre. On serait coude à coude si les balles et les éclats d'obus ne faisaient sans cesse de nouveaux vides dans le rang. On avance encore. On s'approche à 400 mètres de la position. Dans les deux armées, le feu a son maximum d'intensité. Les batteries, qui ont cessé de tirer sur les premières lignes, de peur d'atteindre leurs propres troupes, couvrent d'obus les réserves qui s'avancent en ordre serré et fouillent les bois et les plis de terrain où d'autres troupes pourraient s'abriter. La fusillade fait rage. Les crépitations des feux de tirailleurs, les roulements déchirants des salves, les coups de tonnerre de l'artillerie, les bruissements des obus, les sifflements des balles détonnent et résonnent à la fois dans un terrible fracas. La fumée, ou plutôt les fumées du combat, car il en est de toutes formes et de nuances diverses, emplissent la plaine. Leurs nuages jaillissent, tournoient, se confondent sans cesse, ils se dissipent, chassés par le vent, et sans cesse d'autres s'élèvent pour les remplacer. L'atmosphère est embrasée, l'âcre odeur de la poudre prend à la gorge et aux narines. Les yeux sont irrités, la bouche est sèche, les canons des fusils brûlent les mains. On se fusille maintenant à moins de 300 mètres. L'ennemi ne recule pas et sous ce feu nourri, rapide et très rapproché, il semble impossible d'abandonner le dernier abri où l'on est posté et de marcher en avant. Sur plusieurs points même, des contre-attaques hardiment menées et les démonstrations de la cavalerie ont fait reculer nos troupes. Des mouvements tournants trop excentriques menacent de ne pas aboutir. Des attaques de flanc ont échoué. La tactique a épuisé toutes ses combinaisons. Il n'y a plus à compter que sur un suprême élan des soldats. Fin de la section 98.